ce n'est pas le bon exemple. Examinez-vous vous-même. Voyez vraiment si vous êtes dans la foi. Depuis le premier jour, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui, avant le baptême d'eau, venaient au culte chaque jour. Mais depuis qu'ils ont pris le baptême, et combien au temps de mes sentiments? Tantôt, parfois, plus tôt et tout. Dites-moi, par rapport au moment où il a pris le baptême, cet homme-là, a-t-il régressé ou il a progressé? Maintenant, au régressé, bongo, est-ce que la bambou est belle dans l'instant là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Qu'il s'est commis tantôt, plus tôt. Et puis encore, à l'aide de son foi. Ma cambo, rendre à Dieu un culte complet. Offrir la prière préparatoire. Chanter quand les chants commencent. Faire les prières préparatoires. Les prières de commune. Dans et puis, assister à la prédication dès début à la fin. Pas comme un spectateur, mais comme un participant. Vous êtes suivant la parole, moi. Jésus amène là, il faut dire amen. Jubilé, là, il faut jubiler. Et quand on dit adoration fidèle, debout. La chaîne, selon les choix. Au contraire, on avait ça au début, au premier jour. Mais plus le temps traîne. On devient expert en matière de Dieu. Et en matière d'église. Quand on me dit, vous c'est les ailes de débit, non? Je suis passé par là, vous n'allez rien me dire. Je vous comprends. Expert. Mon Dieu. Mais demandez-lui s'il a reçu le Saint-Esprit depuis qu'il a crié. Tu n'as pas comme ça, comme un perdri. Vous laissez le perdri? Perdri. En lingala, c'est quoi? Qui veut l'aider? Le perdri. Il est souvent tâche pendant ce bleu comme ça. Mais c'est une poule méchante, hein. Mais ses pattes sont plus rigides. Qu'elle ne soit pas furieuse contre vous. Voyez là. Maintenant, on demande à ces croyants. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Abimis Manzaka perdu. Il fait te griffer ou t'agresser même. Toi, de quel droit tu me poses cette question? Il est devenu expert en matière de Dieu. Saint-Esprit, c'est comme ça que sont certains papa ici. Par rapport à leurs enfants. Papa, ce soit Zamba. Donc moi, je n'ai pas fait le cas. Papa, c'est un peu. Jusqu'à traumatiser l'enfant. Mais père, ça y est, expérience, n'a pas de problème. Ils allient. On va se faire un peu de. Moi, je n'ai pas joué avec mon père. Mais vous paraissez écouter le même évangile avec cet enfant à l'église. Et vous devez le servir de modèle d'exemple. Quand il y a 60 ans, vous êtes. C'est ça l'homme qui n'a pas confiance en Dieu. La Bible dit qu'il est comme un perdri dans le désert. Hein? Comme un perdri. Nganga. Hein? Sosa Zamba. On a dit Kanga. Nganga si Kanga. Ah! Il est comme un perdri dans le désert. Il voit. Oh, c'est quelque chose de pitoyable. Hein? Ne soyez pas ce genre d'homme. Ni ce genre de femme-là. Êtes-vous là? Oh, mes chers amis. C'est vrai. Hein? Ne soyez pas comme ça. C'est l'écriture qui dit là. J'ai vu. C'est bon. Alors, nous sommes dans Philippiens chapitre 1. Il dit ceci au verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je vous ai dit vendredi et répété que l'œuvre n'est pas de l'homme, mais c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Et quand il vient parler à William Branham, ne filme pas. Ne vois pas. Lui ne suit ton corps d'aucune façon. Car il y aura une œuvre à accomplir par toi. Quand tu seras devenu plus grand. L'œuvre là n'est pas de Branham. Mais l'œuvre est celui qui annonce à Branham l'œuvre. Êtes-vous là? Et Charles Price dans sa prophétie, il a montré que le chercheur qui en sera digne, Dieu donnera accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Et le sang de Dieu seront dévoilés. Et pas à travers ce Branham, quand il était plus grand, ça s'est réalisé. C'est de l'histoire aujourd'hui. Une œuvre que Dieu a pris soin tant. Et tout cela pour vous amener à la foi et entretenir votre foi. Alimenter votre foi. Nourrir votre foi. Les vraies paroles venant du trône de la grâce de Dieu. Êtes-vous reconnaissant à un Dieu si bon qui vous rend participant de l'accomplissement de son plan dans votre âge? Dieu a une œuvre à faire. Et ici, dans Ésaïe chapitre 10, nous voyons ce qu'il annonce. Ésaïe 10, au verset 12. Dieu, il a une œuvre à faire. Isaïe 10. Que lisons-nous là? Verset 12. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Wana esili kolo kosala mosala na emo bimba epai na ngomba na Sion na mpe na Yerusalemi. Akupesa etumbu pona kupuna na motema na lolendo na mokonji na asulia pe na nzombo na miso na ye. L'œuvre en question ici, c'est l'œuvre que Dieu accomplira à Sion et à Jérusalem. Ça, c'est ce qui est prévu en Israël. Dieu a son œuvre et il a des agents qu'il va utiliser pour l'accomplissement de cette œuvre. Chaque fois qu'il traite avec Israël, ce n'est qu'il traite différemment quand il s'agit d'Israël et d'avec nous. Il est pour ça. Et parmi les nations, c'est ce que nous voyons ici au chapitre 28 d'Ésaïe. Il est annoncé au verset 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérassim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange. Pour exécuter son travail inouï. Pour être Yahweh à côté de ma locola na ngomba na Pérassim. Akosilika lokola na lupaku na jibona, ete akosala mosala na ye, mosala na kukamwa, ete abongisa likambo na ye, likambo na kukamwa. Voyez là? Omoni? Il y a une œuvre que Dieu accomplira parmi les nations. La première dans Esaïe 10. Il aura accompli ça à Jérusalem. Et dans Sion. Israël est le bénéficiaire. Mais Dieu achèvera cette œuvre-là à l'Israël. Pour le moment, Israël est en cours. Ils attendent encore le Messie à venir. Mais pour le moment, vous les gens des nations, le Messie est déjà venu. Pour la première fois, vous l'attendez dans sa deuxième venue. Son retour pour l'enlèvement. Est-ce que vous là? Vous êtes en avance par rapport à Israël. Maintenant, avant que Jésus ne revienne, vous enlevez l'église. Il avait promis d'envoyer Élie le prophète. Dans la dernière phase de la préparation de ce retour-là. Élie devait venir premièrement et rétablir tout ça. Marc 9, verset 11. Les scribes qui lisent la Bible savent que c'est ainsi. Élie doit venir premièrement et rétablir tout ça. Mais aujourd'hui, où nous parlons, l'Élie en question de Marc 9, verset 12, est déjà venu. Et le message de rétablissement que cet Élie a devait apporter au monde a déjà été prêché au complet. Et maintenant que nous nous rassemblons ici, c'est comme les aigles. Selon la prévision prophétique de Luc 17, verset 35, là où il y aura le corps parole, c'est là que s'assembleront les aigles. C'est pour manger la nourriture spirituelle au temps convenant. La parole appropriée qui restaure l'âme, restaure la foi, alimenter la foi et l'entretien pour son peuple. Nous sommes au temps de la fin. La fin du temps de la grâce. La fin de la prédication du message de la foi. La fin de la prédication du message de Pentecôte. Nous sommes à la fin de ça. Et l'œuvre au stade terminal devait viser certains objectifs. C'est que le Fils de l'homme devait se reproduire. Luc chapitre 17. Je venais de citer le verset 37. Mais laissez-moi lire encore une portion. Luc chapitre 17. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Lisusu pela moko na mikolo na lota, baliaki, bamelaki, basombaki, batekaki, bakonaki, batongaki, ndena mokolo elongaki lota na Sodomo, moto na sufulu na likolo, inokaki, pe ibomaki, bato yonso. Ekozala lokola makambo oyo na mokolo ekomonana mwana na moto. Oh, le Fils de l'homme venait sur la terre. Il avait un ministère, c'était le ministère du Fils de l'homme. Et en tant que Fils de l'homme, il était Dieu prophète, le chef de tous les prophètes de Dieu, l'autorité suprême et la plénitude de tous les prophètes. Amen. Ce que c'est le Fils de l'homme. Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine. humaine, accomplissant le ministère d'un prophète, étant le plus grand de tous les prophètes. Et en accord avec cela, au temps où il a exercé cela, la première fois, nous avons eu l'acte des apôtres du chapitre 3. Et c'est écrit là au tableau. Ce qui avait été écrit, le verset 22 à 26. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera parce que vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Qu'il ne soit pas considéré comme un membre du peuple de Dieu. C'est un cadavre mort. Soko moto nani akoloka mosakoli yango te akobomama nye na kati na bato. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Basakoli pe yonso longwa na Samuel na bango basakoli na sima pe basakoli pona mikolo oyo. Les jours de la venue du prophète, un prophète comme Moïse. Différents prophètes ont annoncé ce jour-là. Remarquez que ceci est situé juste après acte 3, verset 19 à 21 que vous connaissez. Et qui a trait avec le rétablissement de toutes choses. Annoncé par les saints prophètes. Après juste avoir mentionné ce rétablissement-là, le Saint-Esprit dans l'apôtre Pierre rappelle la promesse faite par Dieu au temps de Moïse de susciter d'entre les frères des milliers du peuple un prophète comme Moïse, et Dieu avait ordonné que le peuple l'écoute, et que si quelqu'un ne l'écoute pas, qu'il soit exterminé du milieu du peuple. Ça suffit étroitement. Le rétablissement de toutes choses doit venir. Mais pendant que vous attendez le rétablissement de Jésus, souvenez-vous de ce que Moïse a annoncé. Il a annoncé la venue d'un prophète. Il a annoncé la venue d'un prophète. Comme Moïse. Et le peuple a l'obligation de l'écouter. Et c'est lui, l'individu qui ne voudra pas le faire. Doit être exterminé du milieu du peuple. Exterminez-les. Ne le comprends plus comme un enfant. Il est cadavre mort. Le même Saint-Esprit qui promet le rétablissement. Le même Saint-Esprit rappelle la promesse de la venue vers le peuple de Dieu. Un prophète comme Moïse. Suivez. Après l'avoir fait ce rappel, il montre que les autres prophètes ont annoncé aussi. Mais au verset 21, les mêmes autres prophètes avaient aussi annoncé le rétablissement de toutes choses. Est-ce que vous essayez de voir le parallèle? D'un côté, un prophète comme Moïse est venu, et de l'autre, les mêmes prophètes qui se sont succédés ont également annoncé le rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses n'a pas eu lieu au temps où la Bible s'écrivait. À l'époque des apôtres du Seigneur, le rétablissement de toutes choses a commencé au temps de la fin. Au 20e siècle. Parce qu'il fallait qu'Élie vienne d'abord. Il était prophétiquement le déclencheur du rétablissement de toutes choses. Les Écritures disent, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Tu ne peux pas changer ça. Ne doute pas de cela. C'est la parole infaillible. Et Dieu l'a confirmé votre mot. En notre temps. C'est l'œuvre du Seigneur. Quelle œuvre? De quelle nature? Elle est de quelle nature parmi les ministères? Cette œuvre du Seigneur là, elle est de quelle nature parmi les ministères? Si vous suivez jusqu'à ce que je dis. Elle est de quelle nature? Cette œuvre là, l'œuvre de Dieu. Non, parmi les cinq ministères. Elle est de quelle nature? Mais c'est clair, non? C'est prophétique. Pas apôtre. Pas évangéliste. Pas docteur. Prophète. Il s'agit des prophètes qui annoncent un prophète. Des prophètes qui sont ceux qui se sont sacrifiés pour annoncer des jours de la visite, pour la venue. Mais qui serait un prophète comme Moïse. Ah, c'est vous là? Et lui qui doit répondre tout ce sera aussi un prophète. Le prophète qui vient comme Moïse, c'est un prophète. Et il a été annoncé par Moïse, d'abord un prophète. Et tous les autres prophètes qui se sont succédés. On t'a annoncé ce jour-là. Et le même prophète, d'autres fois, on t'a annoncé le rétablissement de Dieu. Joël n'était-il pas un prophète? Joël a été annoncé par Moïse. Esaïe n'était-il pas un prophète? Malachie n'était-il pas un prophète? Malachie n'était-il pas un prophète? N'ont-ils pas annoncé le rétablissement? La restauration? Dites Amen! Oui et Amen! Oui, les esprits des prophètes entre eux. Communiquant les grands événements. L'œuvre du Seigneur de fidèle. Et il a dit, au verset 25, vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. Vous aussi, quand vous voyez des choses comme ça, vous devez être le fils de qui? Prophète. Banabasakoli. Oui, c'est bien. Mon Christ, mais Christ, en tant que fils d'homme, était prophète. Amen. Bino bojali bana na basakoli pe na kondima ekatani nzambe na bankoko na bino wana elobi ye na balama ete un mot Christo qui rejette les prophètes n'est pas un vrai mot Christo. Amen. Un vrai mot Christo doit reconnaître le ministère prophétique. Il doit le recevoir même. Il doit croire au prophète. Quand le Seigneur a prononcé une histoire, nous qui ont le cœur là, à croire tous les prophètes. Jésus-Christ qui a dit ça. Oh, homme sans intelligent. Et dont le cœur est là, à croire tous les prophètes. Manque d'intelligence. Mais si tu es un vrai chrétien, Le prophète de Dieu. Fils des prophètes. Vous êtes les fils des prophètes. Mmh. Et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. Mmh. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à sa postérité. Amen. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur. De qui s'agit-il? De l'Élie qui devait rétablir toutes choses dans son verset. Ou de qui? Ou de Moïse? De quel serviteur il est question ici? Le verset 26. Après avoir fait ce rappel. Le rappel du temps de rétablissement. Et le rappel de la promesse de la venue d'un prophète comme Moïse. Maintenant, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur. l'a envoyé pour vous bénir. En détournant chacun de vous de ses iniquités. De qui s'agit-il ici? J'ai écouté la nanie. Wow, mais c'est facile à voir, non? Et si nous avons décoché tout ça, nous allons l'inaye, atinye, nabino, liboso. Kopambo labino, na kobongo labino, moto, namabe, naye, moto, namabe, naye. Ici, ce passage démontre. Ava, mon longo, j'ai écouté ça. Quand vous faites le pont. Dans le verset 22, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous fera quoi? Suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. N'est-ce pas? Et au verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, c'est le Seigneur, votre Dieu, non? Ayant suscité. Donc, il a suscité pour accomplir la promesse ici. Il avait dit qu'il susciterait un prophète comme Moïse. C'est à vous, premièrement, que Dieu, le Seigneur, votre Dieu, ayant suscité la promesse est accomplie. La promesse du sang de Moïse était déjà accomplie. Ayant suscité son serviteur, l'envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses ennemis. Vous aimez? Amen. Est-ce qu'au temps de Moïse, Dieu pouvait détourner aussi chacun de nous des iniquités? Exode 34, verset 8 là. Exode Tuku Misato Namine. Quel est le prophète qui était Moïse? Exode 34. Exode Tuku Misato Namine. Le verset 8 qui nous ont mis. On l'a lu, on peut relire. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple aux courettes. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Mose a qui dit qui moto na yepaina, c'est pe assemblé qui, y a l'ova qui était. Ça ça est soko na bongi na miso na yo, eh Yahweh. Mbele na bondeli yo tika yawe akenda kati na biso ata bajali bato na mito makasi limbisa mabe na biso pe lifumu na biso pe kamata biso lokola libula na yo. Moïse a demandé deux choses. Moïse a tenu à qui biloko mi baliawa. Dépendant de la grâce du Seigneur. Il a trouvé grâce devant Dieu. Il a trouvé grâce devant Dieu. Il a vu ngolu liboso na Nzambe. Qu'il puisse marcher lui-même au milieu d'eux. Et qu'ensuite il pardonne. Amen. Les péchés et les iniquités. Amen. Et en supplément, il prenne son peuple comme sa possession. Vous voyez clairement? Moïse a demandé trois choses. Mais comment Dieu lui a-t-il répondu? L'Éternel répondit. C'est une réponse. Voici, je traite une alliance. En disant qu'il traite l'alliance, c'est qu'il accepte la troisième demande de Moïse de tenir le peuple de Dieu pour sa possession. Pour il soit lié entre eux. Un lien de propriété. Ok, je ferai en présence de tout le peuple les prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Et tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Et alors qui était tala na kosala kondimana na kosala misala na kokamwa liboso na bato na yo yonso na ndenge misala mina mokili yonso tie pe libota moko tie pe bato yonso ojali kati na bango bakotala Mosala na Yahweh, poete ejali likambo na somo likosala ngai nayo elongo. Et ces choses-là que Dieu annonce, il les a faites. Qui n'ont eu lieu nulle part. Exceptionnel. C'est dans le ministère de Moïse. Et quand Dieu promet un prophète comme Moïse, et que Jésus-Christ était ce prophète-là, Jésus-Christ donc en tant que prophète a eu à faire des signes et des œuvres que nul autre n'avait fait. C'était des choses inouïes. Il dit amen. Des choses inouïes. Écoutez, quand Moïse achevait la course, qu'est-ce qui est dit de lui? Il est un homme tracade. Il est écrit ceci. Verset 9 à 11. Josué fils de Nun était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé sa main sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. Il n'a plus parlé en Israël de prophètes semblables à Moïse. Malgré Josué et tout ce qu'il a fait là. Suivez les témoignages. Il n'a plus parlé à l'Israël. En ce temps, il s'est de prophètes semblables à Moïse. Que l'Éternel connaissait face à face. Monsakoli abimi kati na Israël le lisusu te lokola Mose. O Yahweh ayebaki miso na miso. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Nul ne pouvait lui être comparé. Motolokola na ye na tina na bilembo pe misala na kokamwa yonso oyo Yahweh atindaki ye kosala na mokili na Egipito epai na Falo pe basali na ye yonso pe na mokili na ye mobimba. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Penatina na nguya monene pe na misala minene pe na somo oyo Mose asalaki na miso na Israël yonso. Il était un prophète incomparable. Azalaki Musa ko ya kokani na mokoti. Et Dieu a donné la promesse d'envoyer Israël à son peuple à un prophète comme Moïse. Akotinga la Israël Musa ko liko la Mose. Depuis Moïse. Musa Mose jusqu'à Jésus-Christ, il n'y a pas eu pareil prophète qui entrait dans la nuée de gloire, à qui Dieu parlait à haute voix. Il n'y en a pas eu. Jusqu'à ce que Jésus soit né. Et regardez ici dans Jean chapitre 5. Comme la parole est si simple et vraie. Jésus connaissait sa position. Et chaque promesse concerne son ministère. Jean chapitre 5, verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Ce qu'il avait écrit en disant, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera 10 millions de frères. Un prophète comme moi, Jésus confirme ici, et ça allait concerner lui. Wana, et ça allait la kinge et Jésus. Amen, amen. Boban, zakete, na kofunda bino liboso na tata. Mofuni na bino ezali Mose, oyo bino bosili ko likia epai na ye. Soko bondimaki Mose mbe bokondima ngai Nzambi akomaki po na ngai. Bon, si toi tu ne veux pas voir ça là-bas, alors où est-ce que Moïse avait parlé de Jésus-Christ? Jésus ne peut pas mentir ici. C'est la promesse où il disait, il vous suscitera 10 milliers de vos frères, un prophète comme moi. Ce prophète-là est venu, c'est Jésus-Christ le Fils. Jésus-Christ, verset 47. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous à mes parents? Ce qu'on ne veut qu'on dit, maman, comme il a été, Bokondima maloba na ngai boni. Moïse a écrit que quand ces prophètes viendront, vous les connaîtrez. En d'autres termes, les paroles qu'il vous dira, écoutez, croyez. Si vous avez cru les écrits de Moïse, vous ne devez que croire les paroles de Jésus-Christ. Parce que Moïse avait déjà écrit qu'il fallait écouter ses paroles. Et c'est lui qui ne veut pas l'écouter. C'est clair, vrai? Est-ce que son ministère était étrange? Le ministère de Jésus-Christ. A-t-il fait des choses inouïes? Il dit dans Jean chapitre 15, lui-même. Que dit-il de lui-même? Il dit ceci. Alors, vous voyez, Jean 15. Verset 23. Oh, prenons le verset 22 à 25. Jean 15, verset 22 à 25. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait, pas seulement parler, pour se faire écouter, comme la promesse est lisée, on devait écouter ses prophètes. On devait écouter ses paroles. Mais il y a aussi les sœurs. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites. Même Moïse n'avait pas fait ça. Le seul Jésus a fait ça. Pour répondre à la caractéristique des œuvres inouïes. Dieu est fidèle à chaque mot de sa bouche. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, il n'aurait pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils les ont haïs, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Ce qu'on a quitté, c'est la loi qui n'a pas été, mais Bajali n'a pas été. De ça, ça a été Bajali n'a pas été, mais Bajali n'a pas Moïni nangai ajali ko inampe tata nangai lokola. Soko na sali kati na bangote misala ki moto mosusu te, mbe bajalaki na masumu te. Sasa ipi basili ko mona pe ko inangai na tata nangai lokola. Nde oyo ebimiete liloba likomami kati na mibeko na bango liko kisamaete baini ngai na tina te. Est-ce que vous là? Dans les Deutéronomes, nous lisons que Moïse était un prophète puissant en parole et en œuvre. Et ici nous voyons que Jésus-Christ était un serviteur puissant en parole et en œuvre. Maintenant, quand l'Élie des derniers jours devait venir, il manifestait le ministère du Salut. Il devait également être un prophète puissant. En parole et en œuvre. Nous devrions entendre des choses jamais entendues depuis le jour. Des révélations fraîches et nouvelles. Quand Jésus-Christ lui-même est venu, il y a eu des révélations fraîches nouvelles que nul autre prophète n'avait annoncé. Et il y a eu des œuvres puissantes qu'aucun autre n'avait pas annoncé. Croyez-vous? C'est la répétition de l'histoire. Dieu qui se rend parfait en toi. Sous le ministère de Moïse, un prophète puissant en parole et en œuvre. Sous le ministère de Jésus-Christ, un prophète puissant en parole et en œuvre. Et sous le ministère d'Élie du dernier jour, encore un prophète puissant en parole et en œuvre. Pour rétablir établir toutes choses. La mission est tellement importante que Dieu ne pouvait pas envoyer n'importe qui. Il fallait un office particulier. Il fallait un vase préparé. Et Dieu a veillé à les mettre en état depuis le ventre de sa mère, depuis sa croissance, jusqu'à son âge adulte. Pour cette œuvre-là, ne prenez pas ça à la légère. Prenez ça très au sérieux. Amen. Le rétablissement de toutes. Êtes-vous là? Mais avec la promesse de Malachie 4, 5, et 6, vous vous enverrez Élie le prophète. Il devait ramener le cœur des enfants de l'Église. Avec la promesse, Marc 9, verset 12, Malako, Élie viendra premièrement, Mibale, il rétablira ce soir. Avec la promesse, d'Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21, pour que les temps de rafraîchissement vous soient donnés, et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Mais avant que Jésus ne vienne à nous, avant qu'il ne revienne comme on l'a fait, le ciel, il doit rester au ciel. Le ciel va les garder. Le ciel va les recevoir. Depuis qu'il était monté, le ciel l'avait reçu. Depuis qu'il a resté là, le ciel continuera de recevoir. Allez, regardez là-bas. Dont Dieu a anciennement parlé par la bouche de ses saints prophètes. C'est l'élu, l'aigle qui dit amen. Amen. Dieu fidèle à son œuvre. Amen. Manifestez le signe particulier de l'État. Le ciel devait le recevoir. Et il doit rester là-bas. Et pour vous qui ne voulez pas recevoir le message de Dieu, il n'y aura pas d'enlèvement pour vous. Parce que pour, par rapport à vous, le ciel ne peut pas lâcher Jésus et vous l'envoyer. Pour que le ciel lâche Jésus, il faut que le rétablissement ait d'abord lieu. Et quand vous ne vous connectez pas au rétablissement, vous ne saurez pas participer à l'enlèvement. Jésus viendra selon son plan. Prenez ça très au sérieux. Soyez participants. L'esprit de Dieu est dans votre cœur. Ce que Dieu fait maintenant, soyez en de vrais témoins. C'est bon et fidèle, c'est vrai. Témoignez de sa passion. Soyez reconnaissants à Dieu. C'est clair? Vous allez coller. Les autres étaient distraits dans votre monde. L'autre était sorti de Sodome pour nous. Parce qu'il était connecté à ce que Dieu faisait déjà. Avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il était connecté. Il a reçu des anges. Qui venait de chez Abraham. Là où Elohim Dieu était physiquement. C'est comme ça que l'autre il a vu son. Mais Abraham était en dehors de ça. L'église de lui attendait haute dénomination. L'église de lui de ce temps. L'église de lui est en dehors de dénomination. Voyez frère. Mais vous devez savoir ce qui se passe. Les vierges folles. Bien qu'elles ne sont pas dans le message, mais Matthieu chapitre 25 montre qu'ils ont subi l'impact du message. Lorsque le cri de Matthieu 25 verset 6 a retenti, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est un cri qui invite à la préparation pour le départ vers l'époux. Et quand son message a retenti, toutes les vierges se réveillaient. Vous devez savoir ce que Dieu fait autour de vous. Même si l'autre n'était pas chez Abraham, mais il a dit sauve. Parce qu'il a eu peur. Le fils qui en partit. À ce qui s'est passé chez Abraham. Ce que Dieu venait de faire. Le reliquat de cela. L'impact à distance de cela. C'est que deux anges sont allés. Ça, Elohim, c'est lui-même. L'impact est là-bas. Et dans les vierges folles, vous avez un réveil, mais ils n'ont pas mis la réserve. Le soutien de Pierre d'abondance, il est là-bas. Le soin de Dieu n'est pas là-bas. Mais un peu de flamme de réveil, il y en a. C'est l'impact à distance. Les bénéficiaires à pleine mesure, ce sont les enfants de la maison. Ce sont les enfants de la promesse. Ceux qui reçoivent la pleine promesse de l'État. Et là, on parle à tout ce que Dieu fait. Mais les autres reçoivent un peu. Mais les lampes vont s'éteindre, non? Parce qu'il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de provision. Mais nous, nous avons la provision. La nourriture pour supporter tous les voyages. Tu as veillé à dresser la table pour que tu manges debout. Là où il y a le corps, là s'assembleront les ailes. Cette nourriture est pour les élus. C'est eux qui comprennent. Les autres vont comprendre mille. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais nous sommes tous chrétiens, non? Allez, oui. Nous sommes tous chrétiens. Ils pensent que tous allez partir. Vous suivez ou non? Vous suivez ou non? Ok. Ce ne sont pas tous les juifs qui sont les enfants de Dieu. Les allez te voir nous, vous allez pas ensemble. Mais ce sont les enfants de la promesse. Qui sont considérés comme étant la postérité promise. Qui la kamaki? Qui dit amen? Non, le bobé le bongo. Êtes-vous là? Vous allez voir, branchez-vous à ce que Dieu fait maintenant. Soyez connectés au rétablissement des coups. Ne prenez pas les extraits de ça. Comme les vierges du Paul prennent un peu de temps. On a surpris même les gens de 6 femmes ici. On a pris un lot de brochures, on les a lus les mettre. Bah, c'est ça qui est né à Vassango, bah, Maté, un des Pouvana. Le président honoré, Joseph Kabila. Quand il est encore au Pouvana? Ah, mon condamboka, t'as un bon dinaï. Si, ça va jusque là. Ce qui est Kinokuna. Même Sonny Kafuta. Même l'autre ici, de 7ème régie. Ata, oh, Sonny Kafuta fait ministère Amen, Yawa. Amen, Mutombo. Mutombo. Mais il lise ses brochures. Batanga, Kassamou, Makassi, mais il mélange avec les histoires. Batanga, Sakana, Makamuna, Bango. Mais la semence, c'est pour les élus. Garderont la parole dans sa pureté, dans son originalité, et dans son entièreté. Amen. Bawana basoli egalonga la basoso. Akena ici comme au calme. A profane les langues dans la fraîcheur. A colia. Consile ça. Amen. Et dans la plus grande bataille, jamais livrée. Le Brenham dit que c'est la nourriture spirituelle. Il est emmagasiné dans sa saison. Pour vous donner la force dans le voyage. Asseyez-vous dans la fraîcheur de votre chambre. Mangez, écoutez. Amen. Je ne sais pas où conduiront ces voyages. Mais le Seigneur, votre Dieu, a pris des précautions pour vous. Il a ordonné dans le magasin de la nourriture. Et les actes de Dieu, quelle que soit la manière dont la nourriture viendra, dans les serments honteux de lui, l'homme dit que les aigles de Dieu la suivront jusque dans son quartier général. Qui n'est pas une wapi, pas un coup de sang, pas une amour. Akolia, celui où Zindambu et Sili, Akolanda, nous sommes wapi. Akokendeki, le quartier général. Amen. Et Sika, message de Salaga à Magadini. Amen. C'était au Branham Tabernacle. Kuna la Mongombo et à Branham. C'est ça, non? Voilà. N'est-ce pas vrai? Ok, ne gozoata, oh, et fadi nan, entassé, voilà. Oh, n'a zagi nan, oh, ici. Nous allons, allez. C'est pour moi, non? Il allait pour l'angaï. Vous gardez ça pour qui? Il allait pour battre l'angaï. Vous faites ça! Amen! Donnez-nous! Vous faites ça, je veux continuer à manger. N'a pas qu'on va ça, c'est le travail des aigles. Ils suivent la nourriture jusque dans son quartier général. Que la nourriture vienne sous forme de bandes, sous forme de sermons prédicateurs, ou sous forme de témoignages. Il a dit, les aigles la suivront. Ça va sauter. Message bilingue. Tango. Na kobanga citation mon côté. Je mange. Na kolia nyoso. Tout ce qui est nourriture, je mange. Na kolia na kolia. Ce sont des papas papa. Ko passe des jours pour ta santé. Azolu ko sugini, grain mon ko sugini. Soso. Apumbo kapete. A quel degré musigati. Regardez cela qui nous prend une portion de message. Leur mouvement, c'est tous. Ils commencent à boire de l'alcool. Les frères du message, ils boivent de la bière. Les frères de Jean de Frère, ils n'ont pas entendu le signe de Nazaréen. Ne bois pas. Obilate, ne filme pas. Le messager sont un. Par la vie du messager, nous voyons ce que Christ pense du message. Quand le charme de vie de mon ouvrir, il y a un travail important. L'œuvre inouïe. Mon salaire est au camus. Je ne vais pas parler de fumeur du Seigneur. Parle de fumeur d'alcool. Cette bande racaille de ce qui est un peu de ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il ne vous a pas appelé à l'impureté. Mais c'est la sanctification. Vous serez saint comme votre Dieu. Ne touchez à rien d'impur. C'est la parole. Parce que nous sommes dans l'âge où l'église doit atteindre la perfection. Suivez. Je vais lire dans les âmes qui sont à présent maintenant. Miséricorde. Les âmes qui sont en prison maintenant. Oh mon Dieu. Il y avait un bug ici. Il faut attendre que ça se ralime. Les âmes qui sont en prison maintenant. Que propre âme avait prêché en 1963. Je crois au mois de novembre. Attendez, on va vous les lire ici. C'est tellement important cette chose. Veillons supporter quelques secondes ici. Dans l'amour de la vérité. Nous aimons la vérité de notre Dieu vivant. Oh mes amis, c'est vrai. Suivez bien. Il dit ceci dans les âmes qui sont en prison maintenant. La version de Shekinah, c'est prêché le 10 novembre 1963. La version de Shekinah, je prends le paragraphe 122. Bien. C'est ce que Kaïti le ministère. Comme il en fut, de même il en est aujourd'hui. Il a été prêché et entièrement confirmé par la parole de Dieu. Cela ne pouvait pas être l'homme. Cela devait être Dieu. Cela devait l'être. Comme il en est aujourd'hui. Vous trouvez le parallèle? Le même signe spirituel que Jésus a accompli se sont reproduits sur la terre en ces derniers jours. Le même signe spirituel par lequel il s'identifia comme étant le Messie l'a identifié aujourd'hui. Il est toujours le Messie. Les mêmes signes matériels qui ont apparu sur la terre sont ceux qui l'ont accompagné et ceux qui l'étaient. Yango ya zalaki. La même colonne de feu. Kina moto moko. Que Saint Paul vit. Oh, mon Saint Paul amonaki. C'est la même. Ils allaient vous bénir les cousins moto moko. Et tout cela se reproduit. Et nous sommes ici les cousins qui s'aiment. Ayant la même nature en soi. Le lengi moko na wena yango. Accomplissant la même chose. Koko kisa ka vous bénir comme moko. Le Fils se remet manifesté. Mana mon Saint Paul vitali sama. Branham l'a dit. Alors je vais au paragraphe, mais cette fois-là c'est l'autre version de Jésus-Christ. Paragraphe 294. Merci Yama que j'ai fait ça. 3 est le nombre de la perfection. Le ministère arrive à sa perfection quand il reproduit Christ. Vous allez vous zoomer sur qui c'est nouveau dans les choses naturelles parmi les hommes. Le ministère arrive à la perfection lorsqu'il reproduit Christ et nouveau dans les choses naturelles, les choses visibles, palpables, les évidences tangibles parmi les hommes. Christ a-t-il été reproduit? Christ a-t-il été reproduit? Ouais. Pour vous qui écoutez le message sur les bandes, le message prêché au tabernacle chrétien, au tabernacle chrétien, Christ a-t-il été reproduit? De manière visible, jusqu'à une photo de lui, colonne de feu, colonne de nuit, la nuit de gloire, l'ange apparaît visiblement, et sinon, le chandelier, le pétage de l'église, au tableau de l'église, visiblement dans le domaine naturel, les passants des corps ont été dévoilés, les maladies ont été décortiquées, les guérisons ont été multiples, phénoménal et miraculeux. Dieu a fait le créer à partir de rien. Maintenant, au temps de Jésus-Christ, comment doit-il créer du pain? À partir du pain. Au temps de Moïse, comment doit-il créer les mouches? À partir de la poussière. C'est court, cool, ça monte et Dieu crée. Comment Jésus a-t-il créé du pain? Mais en votre temps, quand tu n'attends mon avis, une chose inouïe. Et dans le peuple de Dieu. Qu'il y ait des secrets. Amen. Et il y ait des secrets. À partir de rien. Petit poisson. Jésus-Christ a donné la vie. Jésus-Christ a fait sur moi. Un poisson mort. Les yeux réfugiés. Le ventre complet. Presque éclaté. Il reçoit la vie. Où as-tu déjà entendu ça? Florence de Sengal. Florence de Sengal. Avec le poumon bousillé. Rongé par le cancer. Il n'y a pas qu'une personne. Mais la douce colombe. Qui est placée. Et compris. Qu'il fallait voyager. Le même Dieu qui était au dessus. Dans la colonne de feu s'est déplacée. Moïse et le peuple marché. La même colonne de feu. Elle fait couper les poumons. Il n'a pas pris l'avion. Il n'est pas occupé. Il est allé prier pour une fille. Et la médecine avait déclaré. Oh yo, parce que incurable. Il est à côté du sang. Abandonné. On lui laissait 3 jours de vie. Mais la colonne de feu a déplacé le prophète. Voilà, il a prié pour la soeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été instantanément guéri. A dit Samati, Nambala Moko. 2 mois après, on la voit à Malek, sur son chemin du travail. Elle a repris le travail. C'est à qui la médecine donnait 3 jours de vie. Où as-tu déjà entendu le travail? Un prophète comme Moïse, puissant en parole, et en œuvre. Des choses surnaturelles. Quelqu'un veut des poumons bougiers. On a adressé la prière. Pour créer de nouveaux. tout neuf à la radio. La science est rendre témoignage. Ma science est dit mon salaire dans Zambé. Et moni dit le mon salaire dans Zambé. Amen. Tu aimes le Seigneur? Olivier Colo. Tu crois à lui, hein? J'allais qu'on dîme la vie. Qu'on dîme la vie, quoi, ça m'a fait? Qu'on dîme la vie, l'embaté. Seigneur, soutiens-moi ce jour. Soutiens-moi pas au Dieu. Ne me laisse pas trébucher. Ne me laisse pas s'abrir. Ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Une femme avait le nez rongé par le cancer. L'os nasal qui est au fond là-bas. Elle retrouve sa forme, sa belle forme. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui guérit toutes ses maladies. Il pardonne toutes ses iniquités. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Le ministère atteint la perfection. Lorsque Jésus-Christ est reproduit dans les choses naturelles. Un pape cotiste. Sinon les Tommy et les Sports. Lui aussi est allé faire ses aventures en mer. Il a fui par la petite porte. Parce qu'il n'y avait pas de puissance de miracle. On l'a défié là-bas. Il a pris la fuite. La première fois, la deuxième fois. Mais un jour, il est venu participer à ce petit ministère. Et c'était un grand ministère. Un petit William Branham. Il a vu un cas d'un sourd muet. Il s'avançait à l'estrade. Et Branham était pas agité. Tout calme. Il a répondu. Nous allons s'apprêter à porter des cris. Nous allons chercher les choses. Nous allons s'occuper des familles. Ici, c'est la parole que le Seigneur. C'est l'automatisme des surnaturels. Quand Dieu le veut, il fera. On ne force pas la main de Dieu. Il voit Branham aussi calme et posé. Il n'a pas crié du tout. Il dit simplement, esprit sourd, muet. Est-ce que tu peux parler? Ah, on tombe sur sa face. C'est fini? C'est pas possible. Il voit l'homme parler. Il voit l'homme réagir. Quand il parle. Dans cet homme Branham, j'ai vu un homme Jésus-Christ. Il a couru dire que sa femme était prédicateur. Qui m'a c'est elle qui mettait le coq en jambe. Pour que son mari n'aille pas là-bas. Elle prenait le bruit à la maison. Et à la cuisine. C'est qu'on a aussi qu'à Colamba. Voyez ça? Mais Dieu sait comment récupérer ses enfants. Depuis qu'il est allé, il a profité. Très bien. Il est venu là-bas, larmes aux yeux. Imposez-moi les mains. Il vous plaît. Très bien, Marga. Très bien. Que Dieu te bénisse. Il a imposé les mains. L'homme est retourné aux ailes. C'était un autre homme. Amen. Il a eu la touche. Et c'est Osborne, qui était venu ici au Congo, qui avait visité les Haïti Nabala, pour commencer le réveil de Pentecôte. Amen, amen. Il a transmis un péché. Aïdi là-bas. Aïdi là-bas a transmis chez certains autres qui sont là. Et où t'as dit Wapi? Original et Saint Abraham. Amen, amen. Amen, amen. Ça m'a un message à la source. Tu manges le pain en entier. Vous allez coller à lui par la mouvement malango. Dans son originalité. Et tu seras amené là où Dieu veut amener le pain. Que Dieu te bénisse. Il garde ta foi dans la victoire. Sache qu'il est le même. Il ne peut jamais faillir. Moi je crois en lui. Et cela a été prédit. Comme il en est dit dans l'autre. Réfléchissez à ceci. Les gens peuvent continuer à prêcher. Pensant qu'ils vont être sauvés. Croyant qu'ils vont se guérir. Croyant les organisations. Mais il n'y a pas le moindre crayon, rayon d'espoir. Voyez là. Si cette vision était vraie. Et qu'elle a été si dure pour le sang. Que nous sommes à terre. La porte fermée. Le livre est déjà dans sa main. Pensez-y. Là il parle de la vision. Mais la grâce coule encore. Mais les portes sont entrées peu à peu. N'attends pas trop. Tard. Profite de son temps maintenant. Écoutez ce qu'il dit dans l'alliance inconditionnelle. Vous ne pouvez pas avoir un morceau de papier qui imite cela. N'allez pas suivre les imitations. Vous ne pouvez pas avoir un morceau de papier qui reproduit quelque chose qui ressemble à cela. Il faut que ce soit le même morceau de papier. Et le même esprit qui était sur Jésus-Christ est revenu sur son église, accomplissant les mêmes signes, les mêmes prodiges. Le même Saint-Esprit, la même puissance. C'est l'alliance que Dieu leur a donnée. Jésus est mort là. Le soir, au coucher du soleil. Pour confirmer cette alliance. Et le Saint-Esprit est sur l'église ce soir. Conduisant celle-ci. Exactement comme lorsqu'il était ici. Conduisant Christ. De la même façon. Suivez. Olanda. Le même ministre. Que Christ avait. Se trouve dans son église ce soir. Les mêmes miracles. Le même prodige. Le même esprit. Le même type d'œuvre que Jésus a accompli sur terre, l'église aussi doit les accomplir. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la semence d'Abraham. Et ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est impossible. Les mêmes œuvres que Jésus-Christ. L'église que nous sommes, nous devons reproduire. Nous comment y arriver? En buvant de l'alcool? En prenant des cigarettes? En allant convoiter les filles pratiquant la prostitution? Quittez ces voies-là. S'il vous plaît, quittez ce voie-là. Je vous attends sur le chemin de la sainteté. Pour vous utiliser et reproduire les mêmes hommes. Parce que si vous ne reproduisez pas les mêmes hommes, que Jésus-Christ avait fait, ça ne peut pas être la postérité d'Abraham. Vous n'êtes pas l'église de Jésus-Christ. C'est impossible. N'allez pas essayer d'imiter. Mais recevez l'original à partir du même esprit. À partir du même nom de Jésus-Christ. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Que Dieu vous bénisse. Dans la nous debout pour la prière. Vous allez voir la commande de la société. C'était une fête aujourd'hui. On est là qui c'est car les lois. Il sait que tant que c'est Ali, moi débordement ils allent. On dépasse pas un peu tous les cas ok. Bonne fête. On a été malamo. Ah yo c'est politique et c'est quoi la parole? C'est pas là. C'est ta fête, c'est ton jour. On est allé te kenao mokolo na yo. Le jour de ta foi. Mokolo wa kundi malayo. Que Dieu te bénisse. Dame la pambo la yo. Qu'il te fortifie. Ah, et t'es un pico. L'ouvre tes yeux pour que tu voyes. Attends, on l'a mis sur la foi et ton mona. Oh, praise God. Dame, le commande, dame comme ça ma. Voilà. Notre champ de reconnaissance. Les mon absurde à vos hommes qui m'attendent. Notre façon de lui dire merci Seigneur. Avec la vieille guitare ici. On a l'indan d'Awakala. Et éloigné de ta parole, tu m'as envoyé un frère, ton frère. J'étais terrassé par la maladie, tu as compagné de ma comme un air forêt. Passe les mains. Tout ce que tu as fait. Il y a toujours été mort et pour chaque fois qu'elle est écoutée. son message. Que l'enlèvement sera possible. Dieu ne l'a fait pas envoyer. C'est qu'alors Christ restera au ciel. Voilà Christ a coûté à la revenir à l'ola. Mais tant que le message n'est pas venu, voilà ça me suit quoi. Soyez branchés. Voilà bien vos cangs à manière. Je me reconnecte. Aussi à la vocanga. Carrière de la foi dans le message. Ça la mon salam laïka qui n'a pas ni ma. En tant qu'enfant de promesse. Vous allez comment à la banane la vie. Vous prenez des failles pour. Vous allez me quoi ça matin. Quel ne faiblisse pour. Quel Mbappé. Que Jésus-Christ soit notre la soutien. Comme comme comme le langage dans la timbre. La main à la perfection. Mais on tire la kubonga bé. Pour sa gloire. Voilà qui est bon à lui. Prions chacun. Le bon il a mon Notre Père Céleste, merci infiniment pour ton amour, pour ta vérité, cet évangile du salut que tu nous avons autant approprié pour alimenter notre foi, entretenir notre foi et l'amener à la perfection. Ton œuvre touche bien ta santé. Nous n'avons pas trop de temps sur la terre. Tu nous exhortes à racheter le temps. Réveille ceux qui sont nos mon Dieu. Réveille tous ceux qui dorment. Mets la flamme d'amour dans nos cœurs. Alors que pour plusieurs, l'amour se refroidit. Nous réclamons pour le nôtre que l'amour se réchauffe. Que l'amour s'accroisse et augmente pour produire les meilleurs fruits dignes de l'repentance. La connaissance. Conduis chacun de nous plus près de toi chaque fois dans les eaux du message, dans les profondeurs de ta vie, afin que le mal ne continue pas à nous encercler ni à nous influencer ni à nous dominer. Laisse que ta domination à toi, qui est une domination éternelle, s'exerce chacun de nous dans l'expérience personnelle de la foi chrétienne. Aide-nous à aimer ton avènement, à nous préparer en conséquence. Tous les signes sont là, Seigneur, que bientôt tu reviens. Tu as envoyé un ministère de perfection pour reproduire Jésus-Christ. Et tu donnes maintenant la balle à l'église. Que les mêmes offres doivent se produire. Sans quoi nous ne sommes pas la possibilité. Sans quoi ce n'est pas l'église. Laisse que chacun prenne sa cœur. Pour se réveiller. Pour se bousculer. Et revenir à Dieu. Et réclamer plus de résultats. Ce que nous avons eu jusque là, nous sommes persuadés comme Paul, que toi qui as commencé cette bonne œuvre ici parmi les nations, tu l'achèveras pour les jours de Jésus-Christ. Et que nous soyons prêts, que nous soyons comptés parmi les animés, que nous ne soyons pas confondus parmi les perdus. Mais Seigneur, fais grâce à chacun. Que sa foi ne défaille. Sa foi ne faiblisse. Mais qu'elle soit plus forte. Qu'elle croisse à maturité. Au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de nous. Amen. Amen.